Une excursion au canal de Suez par Paul Mériot. Chapitre 1er, la traversée. Le 27 novembre 1862 à 2h, je prenais passage sur le paquebot des messageries impériales, le Danube. Ce steamer à l'ancre invitait vraiment à voyager. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, et un navire en mer est très différent d'un navire au port. Le beau ciel du midi était ce jour-là très laid à Marseille. Il s'en épanchait des torrents de pluie. Nous en étions à désirer vivement le piquant Mistral. Du moins, aurait-il pris notre navire en poupe. Mais hélas, le vent soufflait du sud-est et nous en acquîmes la preuve dès la sortie de la Joliette. Le bâtiment roulait horriblement. Les passagers, hors d'état de quitter le pont, en étaient réduits à se cramponner au cordage. À 4 heures, le commandant déclara qu'il était impossible d'avancer. Il nous fallait donc passer la nuit à Louvoyer, en vue de Marseille, à 1 heure de chemin du Grand Théâtre, où l'on chantait Guillaume Tell. Le navire prenait des inclinaisons telles que les chaises étaient lancées d'un bord à l'autre. Impossible de s'asseoir ou de se coucher sur les divans de la salle à manger. Notre seule ressource était de nous mettre au lit. Or, nul ne pourra jamais se figurer, sans en avoir fait une expérience personnelle, ce qu'est une longue nuit d'hiver passée dans la couchette d'un paquebot par une mer un peu forte. Qu'on se représente une armoire et dans cette armoire, une ou deux boîtes semblables à des cercueils sans couvercle. Dans ces boîtes, un matelas, des draps qu'on ne borde guère, avec une simple couverture, en vue des pays chauds où l'on ne peut manquer d'arriver dans une 8aine de jours. C'est le lit. Le mobilier se compose d'une toilette fort propre, est disposé de manière à recevoir des carafes, des verres et autres ustensiles qui teintent constamment, jour et nuit, et roulent quelquefois avec leur contenu sur le parquet. Dormez avec le cœur malade, l'estomac vide et les oreilles saignantes. Je passai la plus grande partie de la nuit sur le pont et j'eus tout le loisir de m'y livrer à cette sorte de gymnastique qui consiste à combiner ses mouvements avec ceux du bâtiment, de manière à n'être pas entraîné du côté où il penche. Lorsque cet exercice se fait d'instinct, ce qui arrive après quelques traversées, on peut se glorifier d'avoir ce qu'on appelle à bord le pied marin. Voilà bien des petites misères, comme on les oublie vite lorsqu'on voit le soleil se lever resplendissant. Nous avions à peine quitté le port et notre gouvernail, orienté au levant, était encore bien loin de ces rivages où les flots sont tièdes, le ciel pur et la lumière éblouissante. Mais déjà nous en sentions l'influence. La mer ne tarde pas beaucoup à se calmer lorsque le vent a cessé de la troubler. Il semble que l'agitation soit contraire au tempérament de Neptune. C'est un dieu paisible et de bon caractère, tant que les vents ne suscitent pas sa colère. Donc le navire file rapidement. Les voiles sont tendues tour à tour. D'abord les triangulaires à l'avant et à l'arrière, puis les voiles intermédiaires, puis la grande voile elle-même, qui offre au vent favorable sa large surface ballonnée. Attention, voici les matelots qui vont jeter le leurre. L'un porte le sablier, d'autres tiennent la corde à nœuds enroulée autour d'un pivot mobile. Un contremaître s'apprête à lancer la planchette triangulaire. Il fait 3 appels, 1, 2, 3. Sur ce dernier mot, le leurre vole par-dessus le bord, la corde se déroule avec rapidité. Stop ! Crie l'homme au sablier. Tous les bras sont tendus, les nœuds sont comptés. Il y en a 12. C'est une marche exceptionnelle. Le commandant, un lieutenant de la marine impériale, un excellent marin, vient vers nous en se frottant les mains. « Nous allons avoir beau temps, dit-il, très beau temps. » Ces paroles rassurantes et la cloche du déjeuner nous remplissent de joie. La salle à manger est encombrée. 40 couverts rangés sur une longue table offrent un spectacle imposant. Spectacle plus merveilleux encore, toutes les places sont occupées. On ne voit que visage joyeux. Les dents sont aiguisées par le jeûne du jour précédent. L'air de la mer, quand elle est calme, est un tonique puissant. L'heure de la promenade est venue. Les cigares sortent de leurs étuis, non sans hésitation, car l'estomac conserve encore quelques inquiétudes, mais l'aspect de la mer et du ciel rassure bientôt les plus timides. On monte sur la dunette. Quel contraste! Le soleil, dans toute sa force, semble vouloir sonder les profondeurs de la mer. Ses rayons y pénètrent, et donne à l'humide élément l'aspect du bronze en fusion. Le navire fait bonne route, mais on le croirait immobile si ce n'était le ruban d'écume que soulève l'hélice dans ses évolutions et qui se perd à l'horizon. Donc on arpente la dunette sans se lasser du magique spectacle qu'offrent la mer et le ciel. Sur le pont règne une activité ordonnée et joyeuse. L'équipage enroule les cordages, nettoie les cuivres, lave le tillac, étend sur les embarcations une couche de peinture. Tout à coup la cloche sonne. Elle appelle les matelots de quart. Ce tintement familier vous transporte par la pensée bien loin du navire. À travers la fumée de votre cigare, vous voyez le clocher et le toit de l'église, les maisons du village, la rivière qui le traverse et son pont d'une seule arche, et le rideau de saules et les longues prairies qui alternent avec les champs de blé. Voici les îles d'éoliennes, rochers abrupts, pics qui s'élèvent du fond de la mer et près desquels les plus profondes quilles de navires peuvent fendre l'eau sans danger. Nous voguions entre ces écueils et nous invoquons Éole, le dieu des vents, pour qu'il maintienne ses sujets dans leur caverne. Puisse-t-il nous épargner ce terrible coup de lance qui leur donne une issue et les déchaîne sur la mer? Voici l'île de Vulcain où la blonde Vénus vint prendre l'armure forgée pour son fils, le pieux aîné. Voici l'antre où descendit la fière Junon, lorsqu'elle promit au dieu des vents de lui donner la nymphe d'Éiopée, s'il voulait disperser la flotte troyenne et l'empêcher d'aborder aux rives du Latium. Fuyons ces écueils. Ce sont ceux qu'habitaient les sirènes, filles du fleuve Archélous et de la muse Calliope. Il est nuit, le ciel semble couvert, et pourtant on voit dans le lointain scintiller une étoile brillante. Plus nous avançons, mieux elle se dessine. Elle paraît descendre vers l'extrémité de l'horizon. Nous distinguons bientôt ses reflets rougeâtres. C'est une étoile terrestre. Quelle est cette lumière? Demande un passager au matelot qui veille à la proue. « Cette lumière, répond le marin avec nuance imperceptible de dédain, c'est le phare de Messine. » Nous sommes donc arrivés sur la côte de Sicile. Une ligne sombre s'étend à notre droite, c'est la terre. Nous avançons encore. Les lumières apparaissent les unes après les autres, indiquant et les courbes du rivage et l'emplacement des maisons. Bientôt elles se rapprochent, elles se multiplient, elles percent en mille endroits les voiles de la nuit. Nous touchons à la ville, nous entrons dans le port. Vu du pont du navire qui stationne au milieu du port, Messine est pittoresque. L'amphithéâtre naturel qui l'entoure a des gradins où croissent l'olivier et le figuier de Barbarie. Quelques maisons éparses escaladent les flancs du rocher qui est dominé par une citadelle. Nous regardons avec intérêt ces rivages témoins du combat de Milazzo, le dernier qu'a livré les troupes de François II en Sicile. L'entrée de Garibaldi à Messine fut la dernière étape des volontaires débarqués à Marsala. Cette marche, à travers un pays étonné, mais non soulevé, sauf à Palerme, restera comme un des plus curieux épisodes de l'histoire contemporaine. C'est de Messine que sont parties les bandes de chemises rouges, jetées à la fois et disséminées sur une grande partie du littoral calabrais. Reggio, que nous apercevons en terre ferme à notre gauche, fut prise en un tour de main. Dans la même journée, le télégraphe portait à l'administration napolitaine effarée la nouvelle du débarquement des volontaires à Capo dell'Armi, à Villa San Giovanni, à Canitello, à Alta Fiumara, à Torre Cavallo. Devant un tel débordement, que faire? Que devenir? Où aller? Où ne pas aller? Le gouvernement napolitain perdit la tête et dès ce jour surtout, sa destinée fut écrite. Notre traversée au sortir de Messine, dans le canal étroit qui sépare la Sicile des Calabres, s'annonce comme une promenade des plus agréables. Ce serait une véritable partie de plaisir que d'affréter un navire pour une telle excursion, et si le détroit de Messine était aux portes de Paris, quelque industriel en ferait bientôt l'entreprise. Appuyés sur la rampe de la dunette, nous dominons le paysage et nous voyons passer devant nous les champs plantés d'oliviers, les vignes en échelons sur les flancs de la chaîne des Apennins, les maisons par groupes rangées sur le bord des routes qu'on voit monter entre deux parapets et se perdre dans les plis d'un vallon. La physionomie de cette partie de la côte est agreste et gaie. Le rivage de Sicile, le long du détroit, présente une physionomie bien différente. Il est très sauvage. L'Etna le domine et lui donne son caractère. Les anciens en avaient été frappés. Ils avaient placé les antres des cyclopes au pied de cette chaîne, couronnée d'un dôme de neige et d'un panache de feu. Le soleil, qui descend à l'occident, s'est caché derrière le sommet de l'Etna. La rive sicilienne du détroit est plongée dans une obscurité relative. Les nuages projettent de grandes ombres mouvantes. Il n'est pas nécessaire de faire des efforts d'imagination pour se représenter sur ses bords le gigantesque Polyphème lavant la plaie toujours sanglante de son œil crevé par Ulysse et lançant, avec des hurlements de douleur, des rochers volcaniques contre la flotte d'aînés qui s'éloigne à force de rames. Tant qu'avait duré notre navigation dans le détroit, la mer avait été calme, le ciel bleu et la température douce. Nous avions eu probablement la bonne fortune d'y passer un moment où Neptune, sur son char azuré, glissait à la surface des flots en les aplanissant et visitait cette partie de son empire entourée du cortège des baleines, des tritons et des nymphes. Mais le bénéfice de cette rencontre devait bientôt être expié sans doute sous l'influence de quelques dieux jaloux. Vers 4 heures, et lorsqu'à peine nous avions dépassé de quelques milles les derniers contreforts de la chaîne italienne, le vent s'éleva tout à coup, les nuages s'amoncelèrent, la mer se couvrit d'écume, indice certain de la tempête qui sévissait devant nous. Pendant 2 jours et 3 nuits, le Danube soutint les assauts de la mer sans se laisser entamer, quoique ses membrures fussent si violemment secouées que 20 fois on put croire qu'elles allaient se disjoindre. La 3e journée était déjà fort avancée quand le commandant reconnut que nous avions dérivé sur les côtes de Grèce. Nous n'étions qu'à une faible distance du golfe de Coron. Or, l'ouragan n'avait pas diminué d'intensité. Le charbon commençait à nous manquer, la machine fatiguait. Il fut décidé que nous ferions relâche à Kalamata, située au fond du golfe. Le gouvernail fut donc orienté au nord, et le Danube, déjà plus calme, s'engagea entre 2 rangées de hauteurs. Parvenu à terre, nous eûmes d'abord à traverser sur le dos de nos matelots un torrent aux eaux noires et fangeuses, dont les bords marécageux étaient hantés par des bécassines. Notre approche en fit lever plusieurs qui furent accueillis par 12 de coups de fusil inoffensifs. Au-delà, débouchait une route conduisant à la ville. Les habitants groupés près des portes nous regardent avec une curiosité qui n'est point malveillante. Notre marche est entravée par de jeunes porcs qui vaguent librement dans la rue, fouillant de leurs groins tous les immondices, disputant cette nourriture à la multitude des volatiles tels que canards, poulets, dindons, ainsi qu'aux chiens errants, et donnant étourdiment de la tête dans les jambes des passants. Les montagnes du Tejet baignent leurs pieds dans la mer. La ville est bâtie sur la croupe d'une de ces montagnes. Elle était dominée autrefois par un fort génois dont nous visitons les ruines, en nous frayant un chemin à travers les buissons de figuiers sauvages, au grand préjudice de nos pantalons entamés et de nos jambes sévrées d'écorchures. De cette hauteur, le panorama est grandiose. La chaîne montagneuse s'étend à notre gauche à perte de vue. Au-delà des sommets successifs, l'imagination se représente les ruines de Sparte, car tout est ruine dans ce beau pays. Au sortir du golfe de Coron, que j'aime mieux appeler golfe de Messénie, nous laissons à gauche l'ancien cap Thénard, qui se nomme aujourd'hui cap de Matapan. Bientôt, on aperçoit les terres élevées d'une île difficile d'accès. J'interroge un des maîtres de bord qui me dit avec indifférence « La terre que vous avez devant vous est l'île de Cerigo. » Cerigo, ce nom n'éveille aucun souvenir. Mes regards parlent au marin que j'hésite à questionner davantage. Il me devine et répond « L'île de Cerigo fait partie du groupe des îles Ioniennes. Population très peu nombreuse, pas de commerce, terre stérile, on n'y trouve qu'un seul mouillage. » Encore est-il médiocre. Fort bien. Je me détourne, mais le commandant s'avance et me tend sa lorgnette en disant « C'est l'île de Cythère. » L'île de Cythère, la terre consacrée à Vénus, où s'élevaient les temples et les statues de la déesse. Comment le domaine chéri de Vénus est-il devenu le pauvre refuge de quelques familles d'agriculteurs? N'y a-t-il plus dans toute la Grèce un seul pouce de terrain qui, rappelant la grandeur du passé, n'y oppose les misères et la décadence? La terre des dieux gouvernée par des Démosthènes et des Périclès constitutionnels, quelle chute! Peu de distance sépare la crête de l'antique demeure de Cypris. Nous suivons quelque temps les rivages du royaume de Minos. Puis nous gagnons la pleine mer, et durant 3 jours, nous ne voyons que le ciel et l'eau. Un ciel gris et nuageux, une eau agitée et grondant sourdement. Enfin, le 14 décembre, notre odyssée finit. Le Danube jette l'ancre dans le port d'Alexandrie.